Eh bien, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue à cette conférence du 8 mars 1984 avec Daniel Kemp. Ce soir, nous allons parler de l'apocalypse et la peur de l'apocalypse. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Quand on n'a pas peur de l'apocalypse. La vie est belle. Que l'apocalypse que l'homme a peur, c'est un apocalypse planétaire, mais c'est aussi toujours son apocalypse personnel. Parce que mourir dans un apocalypse planétaire ou mourir dans un accident de char, en fin de compte, c'est le même genre de peur. C'est son apocalypse personnel. Quand on n'a pas peur de l'apocalypse, personnel, privé ou collectif, ben, on va bien. On va bien. Comme ça, vous n'avez pas peur de l'apocalypse. Non. Qu'est-ce que c'est que l'apocalypse au jeu? Mais l'apocalypse, pour la majorité du monde, là, c'est une destruction ou une fin du monde. Pas fin totale, parce que l'homme, même si l'homme s'amuse souvent à avoir peur, veut pas penser ou ne veut pas prévoir une fin totale de l'humanité. Alors, dans n'importe quel genre d'apocalypse, il y a toujours une possibilité de survie. Et puis, évidemment, c'est toujours des élus qui survivent. Mais parmi ces élus-là, si on regarde juste l'Apocalypse de Saint-Jean de la Bible, il y a beaucoup d'animaux. Alors, il y a aussi des hommes. Alors, les élus, c'est pas nécessairement des êtres intelligents ou intellectuellement. C'est pas des êtres qui ont prié ou adoré. C'est pas des êtres qui sont émotifs. Alors, pour la majorité de l'humanité occidentale, industrialisée, l'Apocalypse, c'est ça. L'Apocalypse, c'est la fin. La fin d'un monde avec des possibilités de survie et puis un jeu là-dedans. On essaie de s'organiser pour être parmi les pions qui vont survivre. Soit en se développant spirituellement, soit en essayant d'avoir une conscience plus planétaire, ou soit simplement en s'achetant un abri antinucléaire, en fourrant tout le monde, en ramassant de l'argent, en s'achetant des revolvers, des armes à feu, en se cachant dans le bois. Alors, il y a différents élus qui essaient d'être ceux qui vont survivre à une probabilité d'apocalypse. Ça peut être une guerre mondiale, une guerre nucléaire, comme ça peut être des cataclysmes, des remarées, des tremblements de terre. Alors, l'apocalypse, pour l'humanité, c'est une espèce de jeu. L'homme a besoin, pour se rendre compte qu'il existe, il a besoin de souffrir. Il a besoin d'être perturbé. Quand vous allez bien, vous êtes heureux, c'est correct. Si quelqu'un vous fait chialer, ben là, vous prenez goût à la vie. Là, vous y allez. Alors, l'homme, tout au long de son existence, a été manipulé par ses émotions, par les forces astrales. Et puis, dans l'astral, il y a du positif, du négatif, des forces blanches, des forces noires, comme on a des émotions qui sont correctes, l'amour, la pitié, puis on a des émotions qui sont plus nuisibles, la jalousie, la colère, la peur. Alors, dans ce jeu-là, le jeu de la vie, ben l'homme s'amuse justement à s'amuse à prendre conscience qu'il existe, puis pour prendre conscience qu'il existe dans un monde où l'émotion est le maître. Il faut que l'homme exprime ses émotions-là. C'est-à-dire que l'homme doit être perturbé. L'homme doit faire des guerres. L'homme doit subir des catastrophes. Parce que pour qu'un homme vive, se sente vivre, se sente exister, l'homme doit avoir des buts dans la vie. Personne qui n'a pas de but dans la vie, dans le domaine psychologique présent, c'est une personne qui ne se sent pas vivre. Le but peut être de détruire l'ennemi d'un côté de la clôture, puis de l'autre côté, c'est de ne pas se faire détruire. Le but, donc, peut être de détruire ou de sauver. Détruire ou sauver. Tu peux sauver l'extérieur, comme tu peux être médecin, tu peux être sur un champ de bataille puis tu veux sauver le monde. Tu peux aussi vouloir le sauver spirituellement, comme ceux qui vont prêcher les religions. Mais tu peux aussi vouloir te sauver, comme ceux qui vont ramasser des biens matériels, comme ceux qui vont... En tout cas, tu as toujours un but dans la vie. Puis quand ce but-là est atteint, ben le désespoir aussi atteint l'homme. La majorité du monde n'atteint pas leur but parce qu'ils veulent pas les atteindre. Ils préfèrent rêver d'atteindre un but que d'atteindre le but. Que comme une fois, j'étais à la radio, puis j'expliquais qu'il fallait arrêter de vouloir être heureux, il fallait commencer à l'être immédiatement. Là. Puis je me souviens, il y a une personne qui m'avait téléphoné pour m'engueuler, que j'étais un fou, puis que j'étais dangereux en liberté. Parce que je disais justement, il fallait arrêter de chercher le bonheur, il fallait commencer à le vivre là. Arrêter de vouloir être en paix, torieux, soyez donc en paix de suite. Mais non, le monde recherche plus la fin que mes recherches. Ils veulent rêver d'atteindre ça, puis ils pensent pas pouvoir l'atteindre ici. La peur qu'on a de l'apocalypse, la peur qu'on a tout court de notre apocalypse personnel, donc la peur qu'on a de la mort, la peur qu'on a de nos faillites, la peur qu'on a de nos défaites, de nos chutes sociales ou psychologiques ou en amour, ben c'est toutes des apocalypses. Et puis, maintenant, il faut se demander si c'est justifié d'avoir peur que ces choses-là arrivent. Maintenant, en dehors de l'apocalypse de Jean qu'on connaît, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont propagé l'apocalypse comme celle de Jean? Dans ce sens que, selon moi, là, les religions ont utilisé l'apocalypse de Jean pour faire peur au monde. Dans ce sens que la fin du monde s'en vient, c'est écrit dans la Bible, tel signe, tel signe, tel signe. Il y a différentes religions, même qu'à un moment donné, une petite ville près de Vancouver, les gens ont tous vendu leur maison. Je ne sais pas si tu pas nommé la religion, là, mais je ne sais pas si tu n'as eu connaissance d'environ 7-8 ans. Puis là, ils attendaient la fin du monde. C'était l'Apocalypse parce que ça avait été écrit dans la Bible selon eux, selon leur interprétation. Alors, à ma connaissance, c'est l'Apocalypse de Jean comme tel qui a été le plus propagé. Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Suite à l'Apocalypse de Jean, de Saint-Jean, qu'on a à la fin du livre qu'on appelle la Bible, on a des apocalypses similaires, l'apocalypse de Nostradamus, prédiction, du pape Jean XXIII aussi, d'Edgar Cayce, de différents prophètes. Maintenant, il faut savoir que, premièrement, le mot apocalypse veut dire révélation, donc on met à la connaissance de la population des choses qui étaient cachées, révélation de choses du passé ou à venir. Et puis l'Apocalypse de Saint-Jean, si on regarde au niveau de la Bible, il vient un temps où Jésus-Christ dit qu'il y a des choses qui vont passer, mais que ces temps-là ne passeront pas. Ce qui fait que lui, quand il parle d'Apocalypse, Jésus-Christ parle d'un phénomène qui va arriver une dizaine d'années là après le moment qu'il en parle. Excusez-moi, est-ce qu'il appelait ça à ce moment-là l'Apocalypse ou le changement de fin de cycle? Est-ce qu'il faisait référence à ce que Saint-Jean fait... Il parle à peu près de la même chose tous les deux, là. Ça dépend des traductions bibliques qu'on a, mais même la Bible catholique romaine, tu regardes à un moment donné dedans le Nouveau Testament, puis tu vois qu'il y en a un des apôtres qui... Je me souviens plus, c'est Saint-Luc. Il y en a un des apôtres qui va justement relater des paroles que Jésus a dites, là, puis c'est typique de l'Apocalypse. Si on regarde Nostradamus, ben il prévoit encore sans donner de date. Si on regarde Edgar Cayce, c'est le seul qui a donné des dates. Ça l'a fonctionné. Puis à un moment donné, ça a pu fonctionner. Les prédictions se sont révélées fausses. Une prédiction, c'est toujours amené par l'astral. Il n'y a aucun être intelligent, il n'y a aucune force intelligente qui va donner à un homme qui n'a pas la compréhension la possibilité de savoir ce qui peut lui arriver. Parce qu'automatiquement, l'homme n'est plus pur. L'homme ne peut plus agir selon ce qui aurait dû agir normalement. Ce qui fait que si vous savez, par exemple, vous donnez toutes les réponses à un examen à des écoliers, ben l'écolier agira jamais comme s'il n'y avait rien eu. Si vous lui dites à votre enfant, si tu fais pas ton lit, tu vas avoir une volée. Mais l'enfant va agir en fonction du résultat plus tard. Donc, il va faire son lit, mais il agira pas naturellement. Il le fera pas parce que ça lui tente. Il le fera pas parce qu'il trouve que ce serait plus beau. Il le fera pas par harmonie personnelle ou pour sa chambre. Il va le faire par la peur. Alors, ce qui fait que il y a aucune entité intelligente qui va amener à l'homme une prédiction. Une prévision d'un avenir proche ou loin, c'est ridicule. La seule chose qui peut amener ça à l'homme, c'est une force qui est pas intelligente, une force qui connaît, une force qui existe, c'est la force astrale, donc la force émotive, la force même, la force mémorielle. Prévoir l'avenir, c'est facile parce qu'on n'a qu'à fouiller dans le passé. Puis toutes les choses qui sont déjà arrivées, ils se répètent continuellement au niveau de l'avenir. Alors au niveau de différents continents, de différentes populations, différents peuples, différentes races, alors, ce qui fait que prévoir un avenir apocalyptique, c'est très, très, très facile pour l'homme. N'importe quelle personne ici sur la Terre est capable de voir où qu'on s'en va. Sauf que personne ne peut dire que c'est là qu'on s'en va. On a toute peur d'y aller. Il n'y a personne qui pourrait mettre sa main au feu que c'est là qu'on va. Il y a toujours des fanatiques, mais même eux autres, ils mettraient leur main au feu pour essayer de se convaincre eux autres qui ont raison. Mais en réalité, ils ne savent pas plus que n'importe qui. Alors, ce qui fait que dans le domaine astral, tu peux avoir contact avec certaines formes d'énergie qui sont astrales, qui eux autres peuvent te faire voir des choses du passé. En voyant ces choses du passé-là, ça peut très, très, très bien ressembler à ce qui peut arriver aussi dans le futur. Puis à un moment donné, tu vas faire des prédictions. Tu peux pas y rajouter de date pour la simple raison que c'est pas daté encore. Et puis tout dépend toujours de la direction que l'humanité prend. Un apocalypse présentement, et c'est évident à prévoir, pour la simple raison que l'astral a à son service l'intelligence intellectuelle de l'homme. En ayant ça à son service, ben l'astral, donc les émotions, la peur, la crainte, la jalousie, la honte, enfin toutes ces émotions négatives-là, parce qu'évidemment, ces émotions négatives qui amènent des prédictions, Ces émotions-là vont mettre à leur, vont prendre l'intelligence intellectuelle de l'homme pour le mettre à leur service. Et puis, vu que tu as peur, tu vas créer des armes. Vu que tu as honte, tu vas créer des services secrets, tu vas créer des choses que tu vas cacher, puis des moyens radicaux pour que personne ne sache jamais rien, donc tu peux même aller jusqu'à tuer pour qu'on le sache. Si tu es jaloux, tu vas t'organiser pour pouvoir conquérir avec des raisons intelligentes, mais c'est l'astral, donc tes émotions qui vont les donner. Alors, vu que l'intelligence de l'homme est contrôlée par ses émotions, ben c'est facile à l'émotion, donc à l'astral, de pouvoir définir qu'est-ce qui va arriver si tu continues comme ça. L'homme émotif a besoin, pour pouvoir continuer à se percevoir en tant qu'être, okay, a besoin d'avoir des émotions. Ces émotions-là, qu'elles soient négatives ou positives en termes polaritaires, des termes psychologiques, ben, ces émotions-là, tout ce qu'ils ont à faire, qu'elles soient négatives ou positives, ils ont à exister. Tu es en amour quand l'énergie d'amour psychologique est en toi. Tu as peur quand tu vibres la peur. Alors donc, l'émotion de peur ne peut exister que si elle existe. Puis quand l'émotion, tu la fais surgir, l'émotion de peur est toujours à l'intérieur de l'homme. L'homme a une peur fondamentale depuis sa naissance. On a tout le temps peur de quelque chose, en l'occurrence de la mort, mais on a aussi peur inconsciemment que tout ce qu'on a disparaisse, que tous les désirs, que tout ce après quoi on s'attache, tout ce qui nous rassure disparaisse. Il y a une peur fondamentale. Cette peur-là, elle est minuscule parce que tu ne lui permets pas de vivre. Ça peut aller à partir d'un apprentissage de contrôle de tes émotions. Mais à un moment donné, cette peur-là surgit. Puis la peur, qu'est-ce qu'elle fait? La peur, elle a comme travail, comme fonction d'auto-engendrer la peur. Donc, la peur va se nourrir d'elle-même, la peur. Alors, quand tu as peur, tu es allé voir un film d'horreur parce que déjà ça te tentait, tu as déjà des émotions que tu veux nourrir. Tu as l'impression que, bon, tu vas voir un film d'horreur. Pourtant, c'est de la peur, ça. Que le monde soit dans ta chambre un soir sans que tu le saches, ou que tu ailles le voir au cinéma, tu vas avoir peur. Mais toi, tu vas avoir une peur que tu peux supposément effacer quand tu veux. Fait que le film, c'est pas pire. Cette année, tu sors. Mais, fait 15 films que tu vas voir, fait 15 fois que quand t'es tanné, tu sors, et même quand tu sors, merde, t'as toujours peur, puis le film te suit toi. Tu peux pas dormir le soir, ça continue de te traumatiser, la peur va s'auto-engendrer, jusqu'à un moment donné, si elle n'est plus alimentée par l'extérieur, elle va finir par s'éteindre. Mais l'homme peut alimenter sa peur longtemps, comme l'homme peut alimenter ses émotions longtemps. Mais en faisant face à la peur, comme le bonhomme que tu mentionnes, l'exemple, si on revient au même exemple, le bonhomme qui va revoir des films d'horreur pour faire face à la peur, par exemple, pour la peur. Ça, c'est un bonhomme qui a déjà peur, et puis il a peur d'avoir peur. Ayant peur d'avoir peur, il va s'organiser pour pouvoir lutter contre la peur. Mais lutter contre une émotion, c'est simplement alimenter l'émotion. On n'arrive jamais à se débarrasser d'une émotion en luttant contre elle. Le courage, c'est une émotion. C'est une forme d'énergie émotive. La peur aussi. La lâcheté aussi. Alors, ce qui fait que quelqu'un qui est courageux a le même phénomène émotif exprimé à l'inverse de la polarité de la peur. Alors, ce qui fait que toi, si tu as peur, le même genre d'énergie par un apprentissage, on appelle ça un contrôle, tu peux transmuter cette énergie-là en son antagoniste, le courage. C'est la même forme d'énergie, mais tu es toujours assujetti aux lois astrales. La seule différence qu'il y a, c'est que il va toujours devoir exister un combat en toi qui va essayer de toujours amener la polarité négative à son contraire positif. Alors, si tu as peur, puis tu vas avoir une vie d'horreur pour essayer de te convaincre que tu n'auras pas peur, déjà en partant, tu as peur d'avoir peur, puis là, tu espères que t'es déjà piégé. Ça marchera pas non plus. De quelle façon surmonte-t-on la peur? Ben, on peut comme premièrement, de toute façon, il faut commencer par prendre conscience qu'on a peur. Mais ça, la majorité du monde le savent. Ils savent que des choses leur font peur, des choses leur font pas peur. Bon, c'est déjà un point. Il y a certains animaux qui peuvent pas le faire. Il y a de rares individus encore qui peuvent pas prendre conscience qu'ils ont peur. Et puis après, il faut intellectualiser notre peur. Il faut qu'on se demande pourquoi qu'on a peur. Parce que la peur vient de l'émotion. La peur vient aussi des souvenirs qui vont engendrer une émotion. Moi, j'ai peur d'une vie d'horreur parce que ma mémoire me dit que tel genre de bébite, ça n'existe pas. Parce qu'on m'a dit que c'est une vie d'horreur ou que je l'ai vue. Parce que je sais que quand quelqu'un meurt, se fait décapiter avec une scie à chaîne, quelque chose dans le genre, ça peut être moi. Puis si ça m'arrive, moi, je vis plus. Puis, évidemment, moi, je veux vivre. Alors, ce qui fait que tout ça, c'est mémoriel. Et puis, ta peur va toujours être engendrée à partir de choses que tu as apprises. La peur peut être communiquée de l'extérieur à toi par des vibrations qu'on appelle la peur aussi. Alors, toi, tu peux auto-engendrer ta peur à partir de ta mémoire, donc tu apprends à avoir peur. Tu n'as jamais peur comme ça. Ça prend de deux manières à avoir peur. Intellectuellement, c'est pour ça que tu peux, en intellectualisant ta peur, finir par pouvoir contrôler ou, c'est-à-dire, finir par pouvoir canaliser ta peur. Mais tu apprends d'une autre façon quand tu es jeune, tu apprends par contact vibratoire. Un enfant n'a pas peur. Oh, il y a des sensations de malaise qu'il peut pas interpréter, puis il va pleurer. Puis quand la mère va lui donner à boire, ben la sensation disparaît. Puis à un moment donné, il fait des associations, puis il finit par pouvoir communiquer certains phénomènes. Mais il a pas peur. Pas pour l'instant. Mais il va apprendre à avoir peur par les vibrations de peur que sa mère a. Entre autres, alors, l'enfant, à un moment donné, il va avoir peur de que sa mère le nourrit pas. D'accord, mais combien de fois avant ça, sa mère a-t-elle eu peur qu'il s'étouffe? Sa mère a-t-elle eu peur qu'il fasse pas son rot? Sa mère a-t-elle eu peur qu'il tombe en bas de sa couchette? Que sa mère, bon. Alors, ce qui fait que par contact vibratoire, l'enfant découvre la peur. Puis l'enfant, lentement, va finir par pouvoir mémoriser ces phénomènes de peur-là. Automatiquement, l'enfant peut auto-générer une peur en lui. Mais l'enfant, il vient pas au monde en ayant peur. Il vient au monde en ayant une incompréhension puis des chocs. Mais ça n'entraîne pas la peur en lui. Il va l'apprendre par apprentissage, la peur. Apprentissage vibratoire ou intellectuel. Quand tu intellectualises ta peur, ben, premièrement, pourquoi j'ai peur de l'apocalypse? Quand je suis venu au monde, j'ai signé mon contrat pour mourir. Alors, pourquoi j'ai peur de ma mort? Ma mort, qu'elle soit communautaire ou qu'elle soit privée, là, c'est la même chose. Bon. En plus, si je reste vivant, j'ai plus de maison. Apocalypse, là. Tremblement de terre ou ben non, guerre nucléaire. Puis je perds ma famille. Bref, je perds tout ce que j'ai besoin pour me rassurer. Tous les points d'attache que j'ai dans ce monde-là, je les ai plus. Mes raisons de vivre vont disparaître. Alors, j'ai peur de perdre tout ça. Mais si je pense à ça puis que j'intellectualise ma peur, pour commencer, en intellectualisant la peur, ça règle pas le problème de la peur. Ça t'amène sur le chemin pour le régler, par exemple. Le gars qui sait qu'il a peur, il a peur pareil. Puis le gars qui comprend pourquoi il a peur, il a encore peur. Mais il s'en va sur le chemin de la compréhension de sa peur. Alors, quand tu as bien intellectualisé ça, tu as bien décortiqué ton phénomène de peur et tout ça, ben quand tu as peur, il vient à un moment donné, instantanément, ça se fait tout seul, tu te dédoubles. C'est comme un dédoublement. C'est pas un vrai dédoublement, ça n'a pas rapport au niveau astral, c'est un dédoublement de ton mental par rapport à ton astral qui se fait à l'intérieur de toi-même. Et puis là, tu t'observes. Tu compares pas, tu te juges pas, tu te critiques pas. L'instant même de la seconde où tu as peur, il y a une observation, puis tu vois où elle est venue la peur. Comment qu'elle agit la peur. Automatiquement, la peur a disparu parce que c'est une affaire absolument illusoire qui n'existe pas. Si, mais là, j'aurais voulu l'amener. Là, je voulais m'amener un clou pour te faire mal. Mais là, j'ai pas pensé. Si je prends un clou, puis que je te pique, OK? Alors, tu mets ta main ici. Je prends mon clou, puis je te le plante dans la main. Pas trop, trop fort, là. Pas de crucifié. Bon. Alors, je te plante mon clou dans la main. T'as-tu eu peur ou si t'as eu mal? Je le sais, tu le sais pas, là. Puis là, plac, il est rentré. Qu'est-ce que tu as vécu? En premier, la peur, j'imagine. Puis après ça, bon. Peur association. Là, je t'ai pincé. Aïe, aïe. As-tu eu peur avant que je te pince? Non, pas ça. Bon, partie. Voilà. T'auras pas plus eu peur que le clou, mais t'as eu mal. Puis une bonne différence entre avoir une douleur puis avoir une peur. Mais si je te redis, maintenant, je vais te le replanter le clou. Là, tu vas avoir peur en maudit, mais t'auras pas mal. C'est toi. OK, tu vois la différence. Puis si je le replante, une fois qu'il est planté, tu n'as plus peur, mais tu as encore mal. Oui, c'est la douleur. Ben, c'est évident, mais ça, c'est pas parce que lui, il peut hurler dans ta barouette. Mais là, ce qui arrive, c'est simplement ça, c'est que l'homme ne peut pas avoir peur d'une réalité. Il a toujours peur d'un fait qui est irréel. Tu as peur que je te le plante, mais je te l'ai pas planté. Puis quand tu l'as dans la main, tu n'as plus peur. Tu te débats parce que tu as mal, mais tu n'as plus peur. Tu sais, alors l'homme, dans n'importe quel genre d'affaire, tu t'en vas avec ton auto, d'un coup, tu viens pour avoir un accident. Il n'y a pas d'accident. Là, tu as peur. Quand tout l'accident arrive, là, tu vis l'accident. Tu n'as plus peur. Quand l'accident est arrêté, là, tu constates, j'ai peut-être une jambe brisée, tu le sais pas. Tu as encore peur. Mais jamais d'un fait. Tu n'as jamais peur d'une réalité. Tu as toujours peur d'une illusion de la réalité. Ça, c'est important. Alors, la peur elle-même, est-ce que l'homme a raison d'avoir peur? Dans le domaine où on vit, avec la conception psychologique qu'on a, l'homme a raison d'avoir peur parce que l'homme est contrôlé par ses émotions, dont la peur. Mais c'est pas naturel. Normal, mais c'est pas naturel. C'est donc dire qu'une des meilleures façons pour surmonter la peur, si c'est pas la seule, c'est la conscientisation. Ben oui. Quand tu deviens conscient, disons que quand tu finis par percevoir où est la réalité, la réalité, c'est jamais quelque chose de mémoriel. C'est pas, je pense à un cheval. Le fait de penser au cheval est vivant. Mais pas le cheval. Le cheval n'existe pas. Il existe juste dans ma pensée, donc dans ma mémoire. Si je me rappelle des événements que j'ai vécu, Le fait de me les rappeler est réel. Mais ça, j'y attache pas d'importance. Puis ce que je me remémore, ben c'est mort, ça. C'est illusion. C'est des choses qui n'existent pas dans le moment où je me les remémore. Quand on regarde un film au cinéma ou à la télévision, ben on embarque dedans le film. Puis on joue le film. Puis quand c'est un film fait broyer, ben la place à la broye. Puis les orgueilleux, ils broyent pas, puis ils sortiennent. Puis tu sais, bon. Quand ils sortent du cinéma, ils cherchent un coin broyé en paix. Le film est illusoire. Le monde qui meurt dedans meurt pas pour le vrai. Puis tout ce qui se passe, ça se passe pas pour le vrai. C'est tous des acteurs qui ont été payés puis qui ont rien maudit en faisant le film. T'es dans la salle puis tu broyes. La réalité, c'est toujours la même chose. La réalité même, c'est que t'es là puis tu regardes ça. Ça, c'est une réalité. Ce que tu vois, ce que tu perçois, peut pas être une réalité. C'est toujours une illusion. Si on regarde juste présentement, moi, je te regarde. C'est une maudite réalité, là, en tout cas. Je te regarde. Et puis, ce que je perçois, moi, réellement, de toi, peut pas faire autrement qu'être une illusion. Parce que moi, je perçois, de par mes yeux qui voient, mais qui ne se voient pas, mes yeux, eux autres, vont te percevoir, vont percevoir la lumière qui est dégagée de toi, mais c'est plus toi, c'est déjà une énergie lumineuse qui vient à mes yeux, mais c'est plus toi. Ils sont interprétés par l'œil, transmis en message électrique à mon cerveau. C'est de moins en moins toi que je perçois. Là, le cerveau va réintégrer, lui, approximativement, selon ce qu'il vient de recevoir. Ça reste rien qu'un phénomène électrique qui est chimio-électrique, donc chimique puis électrique. Et puis à partir de là, moi, je te regarde. Mais qu'est-ce que je vois de toi? Une réalité? Non, le processus, c'est une réalité, pas ce que moi, je perçois. Puis dans notre vie, puis dans tout ce qu'on a, on ne perçoit jamais la réalité. Je touche du bois. Mon cerveau touche pas le bois. Puis moi non plus, je touche pas le bois. Lui ici, là, il touche quelque chose. Il l'interprète. Il transmet un stimuli électrique à mon cerveau, qui, lui, avec la mémoire de ce que j'ai déjà touché, là, je peux dire c'est du bois, c'est pas du métal, de par température, OK? Par la mémoire, il va être capable d'essayer d'avoir une idée. Mais la sensation que j'ai quand je fais ça, est-ce que c'est la même que toi quand tu fais ça? Personne ne sait. Une chose qui est sûre, c'est que le bois, je le connais pas. Je peux pas connaître l'extérieur par mon corps. Je peux en avoir une perception qui est automatiquement déformée, qui est automatiquement une illusion. Alors, quand je te plante le clou, c'est la même chose. Tu as peur d'un phénomène qui est irréel, puis à un moment donné, tu vas souffrir. La souffrance, elle est réelle. Tu perçois une souffrance à l'instant même. Tu mémorises pas ta souffrance. Pas pour l'instant, tu la vis. Quand tu n'as plus la souffrance, mais là, tu commences à... Tu sais, c'est quoi la peur? Tu as peur que se répète un événement. Mais là, tu es encore dans l'illusion, c'est pas une réalité, l'événement est pas là. Et que l'événement se répète ou non, as-tu raison d'avoir peur? Les gens qui entretiennent des peurs de différentes façons, comme moi, je connais un couple qui ont peur de se faire voler. Ouais, il y en a qui font pousser le vol. Ils font voler 2-3 fois par année. Chaque fois qu'ils partent pour aller en Floride, là, ils ont 3-4 systèmes d'alarme. Ils ont des vitres 1/2 pouce d'épais. Ils ont des... Quand chaque année, il y en additionne, et puis à chaque année, ils se font voler. Ils se font défoncer. Oui, mais ça, puis, c'est... Si on regarde, je suis sûr que tu as certainement rencontré dans ta vie des gens qui entretenaient des peurs de différentes choses. Est-ce que ça attire réellement l'événement? Non. La peur? Non, la peur empêche pas un événement, puis la peur n'attire pas un événement. La personne, elle a quelque chose. Elle a soit un karma, elle a soit des leçons, elle a soit choisi quelque chose, ou elle est manipulée par l'astral, c'est-à-dire qu'elle compte tout son système d'alarme puis tout ça pour essayer de se rassurer elle, là, parce que quand on compte à d'autres ce qu'on sait habituellement, c'est pour se convaincre puis se rassurer nous-mêmes. Elle peut aussi compter à toutes ses amies, puis un paquet de monde, tout ce qu'elle a chez elle, là, pour se convaincre que c'est bien rassurant. Là-dessus, 3-4 voleurs. Bon. Mais la personne qui a peur, qu'elle n'ait pas peur, si elle a une dette karmique, ou encore si elle est manipulée par l'astral, dans le sens que je te mets à compte ça à tout le monde, ou etc., c'est bon, automatiquement, elle se fait voler. Mais c'est pas à cause qu'elle a peur. Qu'elle ait peur, qu'elle n'ait pas peur, ça change absolument rien. Sauf que quand tu as peur, bien souvent, tu seras pas capable d'agir intelligemment, tu seras pas capable d'agir d'une bonne façon, puis la grande feuille qu'elle a chez elle, de sa porte dans l'arrière qu'elle n'a jamais voulu barrer parce qu'elle a peur, à un moment donné, de rester pris dedans, si elle se pogne, bien, son système d'alarme, il est partout sauf là. Il y a bien des raisons qui fait, mais c'est pas la peur. La peur attire pas un événement. L'homme attire jamais aucun événement à lui. L'homme va simplement embarquer dans un événement. OK? Pas parce qu'il décide, parce qu'il comprend rien à rien. Parce qu'il comprend pas les lois qu'il dirige. Une personne qui a un accident de char, c'est pas parce qu'elle comprenait les lois d'automobile et puis tout ça. Il y en a qui ont des ceintures de sécurité qui veulent pas émettre. Il y a des choses qu'ils comprennent pas. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, s'en va dans l'astral. Dans deux différentes automatiquement, ça s'est mémorisé par les murs ici. Ce couple, si je reviens à ce couple-là, par exemple, qui entretiennent des conversations de peur d'être volés entre eux ainsi qu'entre leurs proches et leurs amis, émettent des vibrations qui s'en vont dans l'astral, qui possiblement pourraient être captées par des voleurs, des gens qui recherchent... Oui, mais c'est pas leur peur qui engendre ça. C'est pas parce qu'ils ont peur. La communication est différente de la peur. Tu peux communiquer parce que tu as peur, mais c'est pas la peur qui va entraîner un événement. Non, mais par contre, c'est la peur, dans leur cas à eux, la peur d'être volé qui fait qu'ils ont des conversations de vol. C'est ça. Là, c'est-à-dire d'antivol. Oui. Alors, est-ce que ça pourrait être la raison qui... De toute façon, quand tu fais un projet ou quand tu veux quelque chose ou quand tu as peur, n'importe quand, de toute manière, moins tu vas en parler, mieux ça va être. Dans n'importe quoi. Tu as une idée géniale, tu as un projet fabuleux à lancer, parle-en pas. Puis si tu as peur de te faire voler ou n'importe quoi avec, parle-en pas non plus, parce que justement, tu perds ton énergie, puis tu lances pas dans l'astral, puis à un moment donné, ben c'est ça, ça peut tomber dans l'oreille de personnes qui sont pas sourdes. Inconsciemment, un voleur va aller voler quelque part, parce que c'est ça. Moi, j'ai mes amis, puis on a 3 camions pareils, puis identiques. Les autres, ils se font voler 2 fois, puis moi, je me fais jamais voler, puis on est dans le même stationnement. Moi, mes portes sont débarrées, les autres sont barrées. Les autres, ils se font casser le vitre, ils se font voler, puis moi, ben, moi j'ai rien dedans. C'est pas parce que je suis un génie ou quoi que ce soit, il y a bien du monde de même. Bon, sauf que, ben c'est ça. Bon, j'ai toujours laissé mes portes débarrées, sauf une journée. Puis cette journée-là, quand je suis sorti, ben je suis arrivé à temps. Le gars, il avait tout défait mon système d'ignition, puis ça en allait partir avec mon char. Alors, mais c'est pas le fait que t'aies peur ou t'aies pas peur, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu vibres trop une certaine forme d'énergie, c'est enregistré par l'astral, puis à un moment donné, ça peut être canalisé par un individu qui recherche justement une porte, qui veut voler ou quelque chose comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que la majorité du monde qui ont peur de l'apocalypse vivent déjà en apocalypse, puis sont assujettis à toutes les lois de l'apocalypse, donc toutes les lois de la destruction. Il y en a énormément. Prends par exemple la personne qui est en train d'organiser son gros système antinucléaire, et puis qui à un moment donné se fait écraser en dessous par le système antinucléaire parce que la grille a mal bougé ou le gars il a pas mis des poteaux comme il faut. Le gars il est mort de l'apocalypse de Saint-Jean ou l'apocalypse que le gars croyait. Les personnes qui ont peur de l'apocalypse vivent déjà un apocalypse. La personne qui a peur de mourir, elle va quand même mourir. Alors non seulement elle a peur de mourir, mais toutes ses énergies sont canalisées vers sa mort, vers la peur qu'elle a de mourir, puis elle vit même pas ses jours sur jour. C'est sûr que quand on parle d'une peur, on finit par canaliser, on finit par créer un égrégore d'énergie qui, à un moment donné, peut nous retomber dans la face. Mais c'est pas la peur qui... c'est quand on parle. En quelle année a été écrit l'Apocalypse de Saint-Jean, ou vers quelle année? Même Saint-Jean ne sait pas, les dates ont été faites après. Alors, c'est très, très, très... il l'a fait, lui, à l'époque du Christ, de toute façon, là, mais les dates n'ont pas compté encore. Après. De toute façon, Jésus est né en l'an 3 avant l'ère avant Jésus-Christ, de toute façon. Dire, pas fidèlement aux dates. Là. Ils ont commencé à compter ça à un moment donné. Tu sais. Ça fait longtemps. Ça fait 15-80 ans, probablement, après le... Oui, mais c'est un apocalypse qui ne nous regardait pas aujourd'hui. Il y a bien d'autres apocalypses. On peut faire bien mieux que ça, nous autres, comme guerre, puis comme apocalypse. OK, alors moi, j'ai une autre question suivante, celle-là. Là. Est-ce qu'avant Nazaréen, il y avait un autre apocalypse qui avait de l'ampleur dans la population, soit du temps des Atlantes aller à la naissance de Jésus? Tu as le déluge universel. Tu as le déluge universel qui était un apocalypse, c'est-à-dire la fin d'un... D'accord, mais je parle après les Atlantes jusqu'au Nazaréen, entre cette période de temps-là, là, qui est quoi, 10-12 000 ans, là? Est-ce qu'il y a eu des apocalypses qui avaient une emprise sur la population comme qu'on a eu, nous, depuis 2000 ans? Il y a toujours eu des apocalypses pour la simple raison qu'à l'époque, le monde était très, très, très limité. Alors, il y a différentes peuplades, différents peuples qui se croyaient être le seul peuple. Puis à cette époque-là, à l'époque où tu me parles, ben les hommes, ayant peur, ont fabriqué des religions. Ils en ont fabriqué différentes sortes. Il y a eu du polythéisme, il y a eu du monothéisme, il y a eu différents dieux, il y en a eu toutes les sortes. Puis à un moment donné, ben là, il y a, à travers la pluralité des dieux, ben il y en a un qui perçait. Ce dieu-là était le dieu créé par la logique de l'homme, là. Un dieu pour tout ça, à un moment donné, là, ça coûte cher. Fait que, c'est mieux. Plusieurs dieux, là, ça coûtait cher. Et puis à un moment donné, ben l'homme a créé Dieu à son image, puis à sa ressemblance. Et puis là, l'homme, ben, il s'est bâti des villes, puis tout ça. Villes que l'homme a baptisées villes saintes. Puis l'homme s'est déclaré peuple de Dieu. Ça, il y en a eu un peu partout des peuples de Dieu, puis de toute façon, c'est ce qui a causé des guerres. Ils ont tous eu des apocalypses parce qu'il y avait tout le temps dans le peuple de Dieu, là, eux autres vivaient tout le temps un événement qui faisait qu'eux autres étaient protégés par Dieu, mais il y avait toujours les impies, tous les autres. Puis comme tu es protégé par Dieu, puis que tu y crois, puis comme dans n'importe quelle croyance, tu dois te convaincre quotidiennement pour continuer à y croire, alors la solution à te convaincre, c'est de convaincre les autres. Quand tu convaincs un autre, convainc toi-même. Millions d'habitants, mais millions d'habitants, c'était rare à l'époque, vivaient toujours dans la peur de l'extermination de leur race. Parce qu'il y a des dieux qui étaient extrêmement colériques. Si on parle de Zeus, on parle de toute la panoplie de dieux grecs qui se battaient entre eux autres, puis qui envoyaient des demi-dieux sur la terre, puis qui, à un moment donné, s'amusaient comme c'est un jeu d'échecs avec certains hommes. Pour, tu sais, bon. Eux autres avaient toujours peur d'être exterminés par leur propre dieu ou par l'extérieur. Mais le Yahvé, puis les Elohim, puis tout ça, c'est des dieux colériques en tabarnouche, avec, je t'assure que les ennemis du peuple, ils mangeaient la claque, puis il y avait des armées, puis il y avait des soldats, puis des fléaux, puis tout ça. Puis si tu donnais des sacrifices à ton dieu, puis tout ça, ben il était bien content avec toi. C'était un dieu comme n'importe quel roi ou n'importe quel empereur de l'époque. C'est un dieu humain qu'on avait. Créé par l'homme. Toujours créé par l'homme, parce que Dieu était créé par l'homme. Le dieu qu'on parle, en tout cas. Oui. Le dieu qui est écrit aussi, c'était créé par l'homme. Alors, ce qui arrive, c'est que chacun de ces peuples, de ces populaces-là, toujours dans la peur que leur dieu, qui était l'explication à tout, soit faux, parce qu'il ne savait pas plus non plus, puis toujours dans la peur d'être attaqué par un autre, ben il était continuellement en apocalypse. Puis ça, il y a eu dans leurs écrits différentes choses dans le genre-là, là, ceux qui croyaient pas, puis ci, puis ça, puis ça, puis ça, pour toujours avoir une emprise sur l'homme. L'homme, au niveau des religions, est contrôlé par la peur. La foi ou la peur, puis les deux vont ensemble. Quand t'as pas la foi, ben t'as peur, parce que t'as pas la foi. Peut être puni. Alors, etc. Bon. Alors, ça a toujours été contrôlé comme ça. Alors, ce qui fait que ces populaces-là, même chose qu'aujourd'hui, l'apocalypse, c'est quoi? Ben, c'est ça. Si tu regardes l'apocalypse biblique, les élus, c'est ceux qui vont vers Dieu. C'est la même chose que le petit peuple. Là, on est 4 milliards et demi d'habitants, mais c'est la même affaire. Parce que ceux qui sont pas catholiques, les bouddhistes, ils vont venir la fin du monde, nous autres avec. Avec toutes les armes qu'on a là, puis la folie humaine qui se promène sur la terre, ils vont aussi la voir venir. Mais c'est ceux qui sont dans leur religion. Si on regarde différentes sectes ou différentes religions qu'on a ici, bien évidemment, les élus, c'est toujours ceux qui sont attachés à leur propre religion. Alors, ce qui fait que si on écoute l'homme, bien, il y a quasiment plus d'humains qu'il y en a sur la terre qui vont survivre qu'il y en a présentement, parce que notre religion, on était les élus, notre religion, on est les élus, notre religion, on est les élus, notre secte, on est les élus, notre fraternité, on est les élus, ce qui fait qu'en fin de compte, il n'y aura aucun mort à l'Apocalypse. Alors, si tu regardes l'affaire, ben c'est ça. À cette époque-là, il y a toujours eu des apocalypses qui étaient plus limités parce que je vais conquérir le monde. Tu conquéris Rome, puis tu as conquéri le monde. Parce qu'à l'époque, le monde, c'était Rome. Ou ben non, c'était l'Égypte, c'était Babylone, c'était la Grèce. Ils ont toujours eu l'apocalypse privé, mais qui était quand même collectif pour l'époque. C'était aussi peurant que celle qui s'en vient. Ça. Que si on remonte au temps antérieur à la fin des Atlantes, dans la période... Poséidonis, les guerres, puis sur la disparition de... OK. Oui, c'est ça. À ce moment-là, les apocalypses, s'il y en a eu, qui ont été prédits, comme celle de Saint-Jean, effectivement, elles ont eu lieu. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été prédites, elles ont été... Si, elles l'ont ainsi. Ah, d'accord, elles ont d'accord. été de la même façon que... on dit que l'histoire se répète. Oui, l'histoire se répète. Si on prend l'île de Mu, si on prend les Atlantes... ainsi de suite. Ouais. Dans n'importe quel apocalypse, dans n'importe quelle fin de cycle, fin de race, la fin de la race est toujours commandée par la race elle-même. Il y a une purification de toute façon qui est salutaire pour la race, parce que le corps physique étant plus adéquat, en balayant tous les corps physiques inadéquats, donc la masse, la majorité du monde, puis en gardant seulement l'élite génétique, pas nécessairement intellectuelle, mais génétique, donc les meilleurs corps physiques avec les meilleurs cerveaux, ça va automatiquement engendrer une race supérieure à celle qui vient de s'éteindre. Alors, il y a des forces supérieures, puis il y a des forces planétaires qui font en sorte que de temps en temps, il y a une purification sur la planète. Quand, par exemple, la Lémurie s'est enfoncée, était peuplée par une race noire, les élus génétiques, et non pas intellectuels ou etc. C'est pas ce que tu as dans la tête, c'est la possibilité corporelle de survivre. Alors, les élus génétiques ont été ramenés dans un lieu privilégié qui se nommait la Terre Blanche. Puis ça, à chaque apocalypse, c'est ça. Le Québec se trouve sur la Terre Blanche. Bon. Et puis ça ne veut pas dire que ceux qui viennent au monde dessus vont tous s'en sortir, mais ça veut simplement dire, puis c'est ça qui se passe, c'est que présentement, il y a une migration avec énorme de personnes qui ont une conscience. Ils reviennent, ils dirigent vers le Québec. Alors, tout ce monde-là, qui avait une perfection, entre guillemets, génétique, ceux-là ont été ramenés. De quelle façon ils ont été ramenés? Ben, de la même façon que nous, on les ramenés. C'est-à-dire par migration volontaire ou, on pourrait dire, inconsciente de l'individu. Alors, il y a du monde présentement qui vient ici. parce qu'ils sentent bien au Québec. Il y a du monde qui ne veulent pas sortir du Québec. Puis il y a bien des choses qui se passent, que c'est pas des messages dans l'air, ou en tout cas, ce sont pas des ondes télépathiques. Puis à un moment donné, ben c'est ça, le monde se ramasse ici. Alors, à l'époque de la Lémurie, ben, il y en a qui ont commencé à migrer parce qu'ils étaient tannés du peuple. Puis le peuple était toujours en guerre, puis ça allait plus. Puis il y a un continent qui a commencé à surgir de l'autre côté, qui était l'Amérique. Après d'autres, ils ont migré vers la Terre Blanche, parce que vers ce coin-là, simplement, parce que dans le tête, ça allait bien, vers ce coin-là, qui était d'ailleurs à l'équateur. Alors, ils ont migré vers là, puis c'est tout, parce que ça l'a tenté. À un moment donné, ben là, il y avait personne là. Puis pendant ce temps-là, ben le reste de la Lémurie s'enfonçait sous l'eau. Il restait la Polynésie, les îles Hawaï, l'île de Mu, l'île de Pâques, différentes choses dans le genre. Le vestige de l'Amérique du Sud, etc. Alors, ce qui fait que pendant ce temps-là, le monde, il était pas au courant de ça parce qu'il n'y a pas la radio. Nous autres, on était au courant de ce qui se passe de quoi. Mais les autres, ils n'étaient pas au courant. Du moins, pas la majorité de de l'élite génétique. Présentement, ben c'est ça. Toi, t'es ici, moi, je suis ici. Demain matin, on te dit, bon, vas-tu faire du ski à telle place? On s'en fait du ski à cette place-là, puis l'île de Montréal brûle. Ben c'est ça. On est des élus, nous autres. C'est pas parce qu'on est plus brillant, parce qu'il se trouve qu'on était là à un moment donné, puis c'est comme ça que le monde, que les élus-là sont contrôlés. Mais le gars qui bâtit une centrale anti-nucléaire, puis pour pouvoir vivre, puis tout ça, c'est pas un élu, le gars. Ce sont pas ceux qui ont peur qui passent à travers. Non. Si on prend, par exemple, les gens qui ont passé à travers les explosions de Nagasaki et Hiroshima, ce sont des gens, j'en ai vu une, justement, une personne à la télévision, une sœur, qui a 80 quelques années aujourd'hui, puis qui, quand c'est arrivé, elle n'a pas eu peur du tout. Elle marchait sur des cadavres, elle passait par-dessus le monde, parce qu'elle en allait, puis elle était dirigée par une énergie, elle virait à droite. On appelle ça l'intuition. Ou le hasard. Oui, mais quand elle l'a vécu à ce moment-là, elle était dans une espèce de transe. Oui, il fallait qu'elle soit dans une espèce de transe. Il fallait que ses molécules vivent plus vite que la molécule radioactive. Pas d'émotion, pas de vanité, absolument rien là, de tout ce que c'est qu'on nous enseigne, vanité, orgueil, bigoterie, ainsi de suite. Et puis elle s'en allait, puis elle virait à gauche, elle virait à droite. Ça, c'est ce que tu disais tantôt, partir, puis aller faire du ski. Mais c'est la même chose. Elle est sortie de son église, elle avait un cheval, elle s'est désintégré devant elle. Alors, quand on est dehors, l'église brûlait, tout s'effondrait complet. Il y avait un immense champignon, tout se défaisait, puis elle était en plein milieu de ça. Mais il y a eu 55, je pense, à Hiroshima, puis il y en a eu une cinquantaine aussi à Nagasaki. Alors, qui ont échappé, en guillemets, miraculeusement, à ces phénomènes-là. Bon, ce qui fait que ça, faut pas se casser la tête pour savoir si on est sauvé ou non. De toute façon, la majorité vont quand même perdre leur corps à la fin de le temps. Il n'y a que grosses exceptions qui peuvent peut-être l'emporter que d'autres, mais sont rares. Ces personnes-là n'avaient pas peur. Ben non, faut pas que t'aies peur. Si un événement laisse une trace en toi, automatiquement, l'événement te manipule. Puis te manipulant, l'événement peut te détruire. C'est un élément qui est destructeur, il peut te construire. C'est un élément qui est constructeur. La destruction ou la construction qui est causée par une manipulation laissée par un élément est automatiquement astrale, donc anti-évolution, ou si on pourrait dire anti-conscientisation. C'est important. Alors la personne, si elle a aucune trace qui est laissée en elle par n'importe quel événement, elle peut pas souffrir, elle peut pas rien faire. Elle est toujours intelligente, elle peut toujours travailler, elle peut toujours faire assez de tout ce qu'elle a à faire au bon moment. Puis c'est ces personnes-là justement qui vont... Vous admettez avec moi qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Ah, c'est évident. Ou la sixième. On n'a pas le choix, on est dedans astrologiquement. Maintenant, l'ère du Poisson, on la lève. L'ère du poisson, on la lève. On la lève pas, l'ère du poisson, parce que toute la génétique humaine qui est descendante de l'ère du poisson... On laisse le temps de l'ère du poisson. C'est ça. On laisse seulement, au niveau astrologique, on laisse l'ère du poisson. On entre dans la sixième race, qui est la race de la connaissance. C'est les enfants, puis quelques rares exceptions. Du savoir, c'est-à-dire la race du savoir. On vient de laisser ce qu'on appelle la race du poisson, astrologiquement parlant, qui était la race de la croyance. Du poisson. Ou l'ère du poisson. C'est ça. La cinquième race. Bon. La cinquième race, on prétend que c'était pour former l'astral. D'accord? C'est-à-dire que la cinquième race, oui. C'est elle qui a été qui a grimpé l'astral. La c'est-à-dire qu'on a formé le mental avec la cinquième race, surtout. On a formé le mental en perfectionnant l'astral. En perfectionnant l'astral. L'astral existait dans la quatrième race, mais on a perfectionné l'astral à un point tel qu'on a réussi à créer le corps mental. C'est ça. Là, maintenant, la sixième race, c'est le corps supramental qui va être assujetti au corps mental. Selon les prédictions de Nostradamus, on va être un mille ans. 13 000 ans. sans que l'astral ait une force sur l'humain. L'astral, c'est pas dangereux. C'est que l'astral, elle a seulement un défaut, c'est qu'elle peut incruster la mémoire. Donc, elle peut incruster les phénomènes, puis elle peut les ramener. L'astral, elle est donc mémoire. Elle peut devenir une grosse mémoire. Mais l'astral sans la mémoire, c'est une forme d'énergie absolument extraordinaire. Puis que l'homme a absolument besoin. C'est pas pour rien que l'homme a créé un corps astral, puis maintenant un corps mental. Mais tant que cet astral-là vient dominer le mental, donc tant que l'intelligence intellectuelle de l'homme est au service de ses émotions, donc du corps astral, on peut pas arriver à rien faire. Mais c'est grâce à cet astral-là, puis à la servitude que le mental lui donnait, qu'on est arrivé à avoir un monde technologique comme on a là. Un monde de confort, puis un monde qui nous permet justement de développer notre mental au maximum. Puis en développant notre mental, ben le mental se rend compte que les émotions puis son intelligence, c'est deux choses. Et puis vient un moment donné que le mental veut s'en séparer. Le mental veut plus être manipulé par ses émotions. Ce que le mental sait pas, c'est qu'en n'étant plus manipulé par les émotions, il va être manipulé quand même, mais par des forces qui vont être beaucoup plus, disons, divines, des forces qui vont être pas mal plus intelligentes. Plus peu. Ah, énormément plus peu, puis... Ils vont perfectionner davantage. C'est déjà l'apanage de certains individus sur la planète Terre. Maintenant, si on remonte au temps des Atlantes, il y a eu effectivement cataclysmes, différentes... Des guerres. Hypothèses et différents supposés savoirs qui ont été écrits là-dessus. Mais qu'est-ce qui est arrivé au point de vue astral à ce moment-là? Est-ce que les Atlantes avaient créé un gros chiar avec un apocalypse de façon à ce que l'astral... L'Atlante avait une technique, une technologie aussi avancée que la nôtre, même plus avancée que la nôtre, mais différente. Fait qu'analyser certaines forces du soleil qui pouvaient détruire et incendier puis des villes très, très, très, très loin sans avoir à se déplacer. Puis, il y avait aussi inventé l'orical, qui était une espèce d'or très, très léger, puis quasiment indestructible. Il y avait il y a d'autres métaux, j'oublie. Mais les Atlantes avaient une technologie extraordinaire, mais différente. Et puis, ils sont servis de cette technologie, de cette technologie-là pour à peu près les mêmes choses que nous autres, on risque de s'en servir. C'est-à-dire pour faire la guerre. Puis c'est une technologie tellement dangereuse qu'elle a elle-même suscité des tremblements de terre. Mais l'Atlantide elle-même était bâtie sur des pivots, sur des pilotis. Comme l'île de Montréal, tellement creusée par des rivières, etc., par la mer, qui fait qu'à un moment donné, ben là, avec ce qui s'est passé là, il y a des essais aussi qui ont fait, des essais d'armes, puis à un moment donné, ben, continent complet s'est effondré, sauf Poséidonis, qui était à côté, qui était habité par des géants rouges, les Toltecs. Mais il y a du monde qui ont sacré le camp de là, parce qu'ils n'en pouvaient plus, puis ils sont ramassés dans le nord de la Terre Blanche, au Canada, au Québec. Et puis eux autres, ben, justement, ils ont continué... génétiquement parlant, a évolué en termes de race. Après ça, ils ont encore continué à s'en aller. Ils sont arrivés aux Indes, lentement en Égypte. Pendant ce temps-là, les géants rouges vivaient toujours sur l'Atlantique, c'est-à-dire sur Poséidonis, qui était le dernier vestige. Puis ils se battaient contre les descendants lémuriens, qui avaient une terre américaine. Puis ça a fait différentes traces qu'on a, les rafettes. Et puis là, ben c'est ça, on a eu la sixième race, la race blanche, qui était amenée ici par le Retrouve-toi comme maître, tout ça. L'Apocalypse, de la quatrième race à la cinquième, lors du passage de la quatrième à la cinquième. C'est elle qu'on a peur. Elle a donné quoi, cette apocalypse? Premièrement, l'apocalypse qui s'est passée là, c'est celle-là que nous autres, on a en prédiction. C'est de celle-là qu'on a peur. Cataclysme, raz de marée, enfoncement de continents, guerre, tout ça. Ça, c'est l'apocalypse que les Atlantes ont vécu. C'est pour ça qu'on va vivre. Quoi à l'humain, ça, dans les... Ça l'a purifié, comme je te dis, ça l'a tué le véhicule physique inadéquat. Parce que l'émotivité même de chaque individu était réintégrée à l'émotivité planétaire, donc il n'y avait aucun problème en ce qui concerne ça. La vie, la vitalité, était réintégrée à la vitalité de la planète. Le corps physique était réintégré au corps physique de la planète. Et puis, c'est tout. Et puis, par après, ben la Terre qui va évoluer par l'homme. Et puis, génétiquement parlant, donc par enfantement successif, ben les survivants, c'est-à-dire les élus, toujours en guillemets, ont continué à avoir des enfants qui étaient de plus en plus évolués, parce que l'homme, le corps physique aussi, apprend lors de cataclysmes, puis c'est enregistré, puis c'est transmis. Alors, ce qui fait qu'il vient à un moment donné aussi que la race qui s'en sort est tout le temps plus forte que la race qui était dedans. D'ailleurs, pourquoi qu'elle s'en est sortie? Et puis, en purifiant la race humaine, ben on se ramasse avec une élite. Cette élite-là change une mutation physique, OK, ce qui est causé par le climat, puis les événements qui ont passé, les différentes radiations différentes de ce qu'on connaît là, qui va faire à un moment donné que la race va changer de couleur. Et puis il va rétrécir, etc., puis il va s'adapter à des nouvelles conditions d'une façon plus rapide que ce qu'on connaît quand on parle d'évolution là, comme Darwin là. Et puis après ça, c'est ça. Après cette purification-là, ben là, on est prêt à recommencer. On a une sixième race, c'est-à-dire une race qui est nouvelle, on va en avoir une septième. Et puis là, la cinquième race, la race blanche, on commençait à grossir, tout ça, puis là, vraiment plus purifié. Puis là, on commençait avec les connaissances Atlantes, ils ont commencé à reconstruire des choses, puis essayer de pas refaire le même piège. Puis il y avait des physiques plus aptes à avoir un cerveau plus fonctionnel, ce qui fait qu'il peut comprendre plus de choses. Là, on en est rendu aussi qu'on approche d'une mutation qui va être psychologique, c'est-à-dire que le cerveau fonctionnera plus d'une façon chimique électrique, il va fonctionner d'une façon seulement électrique. Donc, le cerveau va pouvoir réfléchir des milliards de fois plus vite qu'il fait présentement. D'où une compréhension instantanée de bien des choses. Il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà un cerveau beaucoup plus apte à ça. Il y a quelques adultes avec, parce qu'il y a une mutation qui se fait. Et puis, la purification qu'on va avoir prochainement, là, ça dépend de qui tu parles, là, mais juste 15, 20, 30, 40 ans, là. C'est une purification, mais ce sera pas une apocalypse comme l'Atlantide a vécu. C'est même différent de ça. On a une différence avec les Atlantes, on a un mental. Eux autres étaient en contact avec le mental, on est mental en contact avec l'intelligence des mentales supérieures. Intelligence. C'est un mot différent. On ne pourra pas vivre le même genre d'apocalypse. Alors, selon vous, si on n'a pas peur, qu'on peut enlever cette peur dans son conscientisant, on a des chances de... Ça, c'est quelqu'un qui a peur. Pose une question comme ça. Quelqu'un qui veut des chances. Non. Non, pas en prenant un départ comme ça. Quelle sorte de départ faut-il prendre? À un moment donné, l'individu a plus peur. L'individu se fout carrément de savoir s'il va survivre ou non. Un nuage, il s'en va. Il sait pas où il va, mais il sait pas pourquoi il s'en va. L'homme est pareil. Quand l'homme pense qu'il y a un libre-arbitre, quand l'homme pense qu'il y a un choix, il se tape à tête ses murs. Il souffre. Là, il se rend compte qu'il vit, mais il sait pas pourquoi. Parce que, pour lui, c'est pas une raison de souffrir. Et à un moment donné, l'homme, ben, il finit par rentrer dans son chemin. Puis là, il s'en va avec le courant. Quand tu veux, je vais me conscientiser de bord, comme ça, j'aurai plus peur, puis comme ça, je vais pouvoir survivre à l'apocalypse. C'est déjà la peur. C'est comme le gars qui va au cinéma pour combattre sa peur. Tout vaut peur, le gars. L'astral a bien des pièges pour ramener le monde à elle-même. C'est pas comme ça. On en parle comme ça. Puis, à un moment donné, il y a des petits déclics qui se font pendant le sommeil. Puis, des petits déclics qui se font au niveau de la vie. Puis, d'un coup, on en reparle encore. Puis, il y a des individus qui, hop, il y a un maudit flash. Puis là, ils partent à rire. Ils sont contents. Ils sont joyeux. Ils savent pas pourquoi, mais c'est merveilleux. Puis après ça, il y a des événements qui vont se passer dans leur vie. Puis, tiens, ils vont se rendre compte qu'ils réagissent pas comme avant. Ils savent pas pourquoi. Le gars qui s'accrochait à lutter contre, lui, il va lutter longtemps maudit. Il va perdre. Ça dit pas fini. T'es peur, hein, parler de la peur? Moi, j'ai pas peur. Tu regardes juste le genre de peur que l'homme peut avoir. C'est terrible comment l'homme engendre continuellement la peur. Moi, j'éduque mes enfants par la peur. Au début, ils peuvent pas comprendre certaines choses. Alors, je vais m'arranger pour leur faire peur. Ils vont avoir peur d'une fessée, peur d'une engueulade, peur de pas avoir de dessert, peur de se faire retirer un jouet. Bon. Alors, ce qui fait qu'on l'éduque par la peur. L'enfant apprend à avoir peur. S'il apprend pas à avoir peur, il peut pas l'éduquer par la peur. Il apprend à avoir peur, ça marche. Mais il y a un temps, puis c'est pas long, ça, 2, 3 ans, 4 ans, là. Il est pas long. Il faut checker le jeune, là, mais à un moment donné, il vient un temps où c'est que tu dois expliquer à ton jeune c'est quoi la peur, puis là, après ça, il faut qu'il fonctionne lui par compréhension, plus par peur. S'il faut qu'il mange les coups que la vie va lui donner, qu'il en mange. Sans ça, ça fait un adulte plus heureux. Moi, ce que je vais faire, une fois adulte, j'ai été éduqué dans la peur de me faire chicaner, peur de tout ça, j'ai été culpabilisé toute ma vie. La religion a employé la culpabilisation, mais ça a été bon. Comme pour ton jeune de 0, 1, 2, 3 ans, ça peut être bon. C'est bon pour l'homme à une certaine époque. Maintenant, c'est plus bon. Quand tu rencontres quelqu'un, puis tu lui dis, t'as ta femme, ou ton chum, et puis, où c'est que tu t'en vas, là? Tu culpabilises déjà. En partant, tu fais savoir à ton bonhomme qu'il aurait fallu que tu le dises déjà en partant. Comme lui, il est élevé avec la culpabilisation, mais il s'est accroché. Ben, je m'envoie un film. Comment ça, tu vas voir un film? C'est un jeu de peur, ça. La culpabilisation, c'est la pire peur qu'il n'y a pas sur la Terre. Ben, je vais voir un film. J'ai pas le droit. Tu sais, tu demandes déjà si t'as le droit. Ouais, mais t'aurais pu me le dire. Bon, C'est ça, c'est des conversations bien banales que tu as tout le temps entre les couples. Tu crées des mots de décision dans le couple parce qu'il vient à un moment donné que c'est toujours inconscient et la personne est écœurée. Parce qu'elle se fait manœuvrer et manipuler continuellement. Puis qu'est-ce qui fait qu'elle peut être manipulée facilement comme ça? Parce qu'elle a peur. Après ça, t'as peur de ton patron. T'es malade, mais pas assez pour pas rentrer travailler. Puis tu sais pas si tu l'appelles ou non, parce que lui, il va te dire, « Mais voyons donc, on a besoin de tout aujourd'hui, on est pogné, puis il culpabilise encore. Sa compagnie fait faillite, on va savoir c'est à cause de qui. » La culpabilisation, tu l'as dans les religions, les adultes s'en servent continuellement pour manipuler, pour manœuvrer tout le monde. Ben, si tu veux savoir comment l'astral te manipule par la peur, là, ben, check bien comment toi tu manipules les autres. Même phénomène. Puis évidemment, la religion, ben, la foi, ça va avec la peur, ça va avec la culpabilisation. Puis c'est extrêmement dangereux. Je pense même que la culpabilisation, il faut qu'on en reparle. C'est une affaire qui est atroce. L'homme est contrôlé que par ça. La police va te donner une contravention. Okay? Même que les flasheurs en arrière de ton char, tout le monde te voit. Okay? Si t'en es pas culpabilisé, bien évidemment, c'est pour ça qu'il laisse le flasheur allumé. Il y a quelqu'un moins atteint, là, mais quand même. T'es placé devant le public, tout le monde sait que t'as fait de quoi de pas correct. Puis tout le monde le fait, le quoi de pas correct. C'est pas grave. T'as peur. T'as peur d'avoir une contravention. T'as tout le temps peur de quelque chose dans le char. Tu renverses ton café dans un restaurant, puis là t'es tout, tu viens tout rouge. Mais c'est ça. Pourquoi? T'as peur. De l'orgueil, cette peur-là. T'as peur de perdre la face, mais c'est pas grave. Il était encore sans trop culpabilisé. Terrible, terrible, terrible. Puis tant que l'humanité va fonctionner manipulée par la culpabilisation, ben la société, tous les individus, les religions, les croyances, les livres, la télévision, les vues, n'importe quoi, tout ça manipule notre bonhomme, notre bonne femme. Puis ils peuvent pas faire autrement qu'être malheureux puis essayer de sortir de là. Pourquoi qu'on le sent culpabilisé? Il y a une autre explication là-dedans, puis à un moment donné, l'individu doit le chercher, parce que la seule peur que l'individu a, c'est toujours une peur qui a rapport à sa survie. Puis sa survie, c'est une survie qui est physique ou psychologique. La culpabilisation vient dans la survie psychologique. Puis le reste des peurs, c'est une survie physique. Le monstre là, qui rentre, ramasse avec une main, là, qui une cogne, là, et qui une bouffe, là, ben, ça, c'est une survie physique. Mais quand tu vas dans des événements où un prêtre qui va te dire ben t'es qu'à faire flat, quoi, tu vois, c'est bon. Mais les jeunes détestent ça parce que un moment donné, ils ont marre. Plus ça va, moins les jeunes se sentent culpabilisés. Mais ça frustre les adultes en maudit de les voir faire tout seul. Le jeune, il sait ce qu'il veut pas, mais il sait pas ce qu'il veut. Tu fais qu'il est tout défroqué, mais il est sur le bon chemin en tabarnouche, par exemple. C'est bien mieux d'être défroqué puis de pas avoir peur. Puis de pas te sentir coupable. Que d'être toujours coupable, puis d'être bien habillé, bien checké, puis tout le monde pense que t'es bien correct. Il y a toujours du monde dans ton dos qui vont rire de tout pareil. Alors, la culpabilisation, là, c'est une peur qui est atroce pour l'homme. Dégueulasse. Puis ça, le couple, nos amis, continuellement... Et là, pour accabler l'âme. Ben oui! Pourquoi t'es arrivé en retard? Je suis en retard. Commences-tu, là? Ouais, mais je suis arrivé plus de bonheur. Je suis pas arrivé plus de bonheur. C'est tout, tu sais, un paquet de cossins comme ça, puis toute notre éducation, puis ce que nous, on donne à nos enfants avec, c'est toujours en termes de culpabilisation. OK, c'est facile, ça va bien, t'as barnouche, je culpabilise, c'est bien simple. Peux-tu monter mon linge, sortir le linge de laveuse? Puis là, ton jeune, là, il écoute la télévision. Bon, c'est correct, va le faire. Tu sais, puis encore de le culpabiliser. Non seulement, lui, te manipule, parce que là, en plus, lui, il s'en balance bien, mais lentement, tu finis par le culpabiliser, puis il fera pas plus. Ou s'il le fait, c'est parce qu'il fait, parce qu'il est malheureux en tabarnouche. C'est pour ça qu'il va aller sortir ton linge laveuse. Ça rend pas compte. On fait peur. On culpabilise. On manipule. C'est le même qu'on est manipulé avec. Au lieu de casser de comprendre pourquoi qu'on est manipulé comme ça, on manipule. Parce que c'est facile. Parce que si ton jeune veut pas le sortir parce qu'il, bon, etc., ben, ça va être de la misère. Ça va être plus long avant que t'aies un résultat. Mais le résultat, il est toujours temporaire. Puis c'est un résultat qui est absolument déprimant puis qui ralentit l'humanité au complet. Puis on est nous autres mêmes, les particules de ceux qui ralentissent l'humanité quand on culpabilise. Puis toute l'éducation, tout le schéma éducatif, dans les écoles, puis partout, tout comme ça. T'as une médaille, t'as un bulletin, t'as A, ben, tiens, l'autre, il l'a pas. L'autre, il me croit. Il y a un paquet d'affaires dans le genre. Culpabilisation, là, c'est une peur. Puis l'homme, il s'en sert en tabarnouche, puis c'est ça. Puis l'homme se fait contrôler aussi par son entourage, par sa femme, par ses enfants avec, parce que culpabiliser les adultes. T'sais, tout au plat, actuel, ben non, ah, c'est encore ça, puis ah, je le savais. Ça, les gens le savaient, là, ça culpabilise un homme puis une femme en tabarnouche, ça. Je le savais que t'étais pour arriver en retard, tu sais. Il y avait du trafic, comment tu peux le savoir? Ah, je le savais, tu sais. Bon, tu sais, faut toujours t'essayer de t'expliquer, faut toujours que, tu sais, je comprends pas pourquoi t'as fait ça. C'est nécessaire que tu comprennes pourquoi je fais ça. Tu sais, mais là, on, faut que l'autre comprenne. terrible, terrible comment on peut culpabiliser. Puis ça, c'est une peur effroyable. Puis la Bible, puis toutes les prophéties, bien ça, c'est le jeu de l'astral, va culpabiliser l'homme parce que c'est toujours par rapport à une divinité ou à une perfection que tu n'as pas atteint que tu vas mourir. Les élus, eux autres, ils vont vivre. Ça veut dire que ce sont les gens qui se servent de, ah, oui. de ce livre pour... Oui, mais l'astral, c'est lui qui l'a écrit, cette partie-là. C'est l'astral qui a commencé par donner une prophétie à un bonhomme, puis le bonhomme l'a mis dans un livre pensant bien faire. Ben, à un moment donné, l'homme, lui, sa responsabilité s'arrête là. C'est la personne qui prend le livre et qui décide d'avoir peur. L'astral a fait ça parce qu'elle peut, quand l'homme a peur, il n'est plus lui-même. Ben, il ne peut pas être intelligent. Il peut pénétrer. Il était sujeté à l'astral, parce qu'elle le manipule. C'est pour ça que nous autres, on fait ça à nos enfants, parce qu'ils sont plus intelligents quand ils ont peur ou quand ils sont culpabilisés. Comme ça, nous, on peut les manipuler. C'est la même affaire pour l'astral. Tout le temps. Alors, tantôt, vous avez dit que, premièrement, il faudrait intellectualiser la peur. Ouais. Constater qu'il y a peur. Constater qu'on est manipulé. Constater que, ben c'est ça, tel genre de choses me font peur. Ou que nous, on traumatise nos enfants ou notre extérieur. C'est une intellectualisation. Mais c'est déjà le deuxième point. Le premier, c'est de prendre conscience qu'on a peur. Après ça, ben là, après avoir intellectualisé, il faut l'intellectualiser assez longtemps, mais l'important, c'est qu'il faut tout de suite que l'homme essaie de l'intellectualiser quand l'homme a peur. Pas dans un salon. On commence dans un salon. Une causeuse. Puis là, on intellectualise la peur parce qu'on développe notre niveau de conscience mentale, donc notre niveau de conscience intellectuelle de la peur. On le développe. Bon, l'ayant développé, ben là, quand j'ai peur, ben là, je peux commencer à me demander puis à prendre conscience. Là, j'ai peur, il faudrait pas que j'aie peur, c'est ridicule, puis là, je sais plus quoi faire. Puis t'as peur, quelqu'un te suit, t'essaies d'ouvrir ta porte de char, puis Christy va dire, normalement, t'es capable, mais là, t'as de la misère, alors là, tu es intelligent, mon affaire. La peur, là, elle vient tellement me perturber qu'elle perturbe même mes capacités normales. T'sais, tu sais, je suis pas capable. Je viens pour crier, t'es plus de voix. Bon, il y a un paquet d'affaires dans le genre, comme on parlait une fois, une personne qui se fait violer, elle a peur. Mais si elle arrêtait de se débattre, elle arrêtait d'avoir peur, puis qu'elle commençait à prendre goût au viol, ben le gars va commencer à prendre goût avec. Puis là, t'es maudit un maudit coup de poing dans la face ou un coup de genou, ce que je pense, puis là, le gars, il est plus là. Puis la fille, elle s'en va. Elle s'est toujours pas fait violer, mais elle n'a pas eu peur. Elle a pu s'agir intelligemment. Parce qu'elle a peur, la fille, complètement merci du gars. Puis en plus, même si elle serait violée, elle sort de là avec un astral absolument effroyable, puis tout déformé. Elle sera traumatisée psychologiquement. Mais si la fille n'aurait pas peur, donc, tu n'aurais pas peur, c'est rare. Ça arrive, les hommes, ils sont violés par les femmes. Mais, si à un moment donné, elle arrête d'avoir peur. Qu'elle décide, ben, viens-t'en, il n'y a aucun problème, Kim. T'as pas besoin de me donner des coups, ça va bien aller. Elle dit, ah oui, attends, Barneau, je pars. C'est fait. La fille, ça y tente pas. Mais c'est pas nécessaire qu'elle ait peur. La peur, ça sert à rien, c'est un fin. C'est des œillères. Tu vois plus rien quand t'as peur. Ridicule d'avoir peur, mais c'est normal pour l'homme, sauf qu'en l'intellectualisant, toi, en pensant à ça, c'est vrai, Kim, si je me fais violer. Le gars, il est brutal. Le gars, est convaincu que tu vas... Il recherche la brutalité. Moi, je suis une pute, tu sais, puis j'ai déjà la gonorrhée, la syphilis, tout ça. Les tabarnouches, le gars, il va commencer à se poser des questions. Le gars dit, moi aussi, je l'ai, là. C'est toi qui te poses des questions. Tu sais, tu te laisses faire. Puis à un moment donné, quand le gars s'y attend pas, ben, t'es correct, tu t'en vas. T'as le temps de voir ce qui se passe autour de l'Ira, chez nous, tu l'as, et t'as le temps. Si t'as peur, Christy, le gars peut t'assommer, le gars, il ouvre encore. Ben, tu paniques automatiquement. Puis c'est ridicule. Quatrièmement, libération de la peur. Ça veut dire que tu contrôles pas la peur, mais tu la canalises. Ça, je le dis assez souvent, que tu peux pas contrôler, il faut que tu le canalises. Tu peux pas contrôler n'importe quelle énergie, il faut que tu la canalises. La peur, à un moment donné, elle est là. Tu veux la contrôler, donc tu luttes pour, t'attaches à la peur. La peur est là. Tu vas venir à un moment donné où c'est qu'à force d'avoir intellectualité, ta peur va arriver. Ton mental va observer que, ah, j'ai peur. Il va voir tout de suite, lui, ah, ben, c'est à cause de ça, ça, ça, ça. Il fait pas le chemin comme je le fais là, là. Ça se fait instantanément. Puis la peur, elle disparaît tout de suite, tout de suite. Ça, c'est une démarche, ça, c'est le résultat. Puis le quatrièmement, c'est le résultat, simplement. Et ça, c'est le chemin que l'homme doit prendre. On commence par en parler. Puis il faut en parler. Très, très, très important. Il y a un moment donné que la peur disparaît. Mais c'est pas prendre des trucs. C'est pas des techniques. Non. Faut comprendre ce qu'on fait. Faut pas y croire. Faut comprendre ce qu'on fait. Au bout de ça, il y a libération. Alors, la peur de l'apocalypse, le quatrième, comment qu'on fait ça? La peur de l'apocalypse, ben la personne n'a pas de quatrième affaire, elle n'a plus peur de l'apocalypse. Elle n'a plus peur de rien. Elle est libre, ces événements-là ne laissent pas de trace en elle parce que c'est inutile. Elle voit tout, elle voit bien plus qu'une autre personne, elle est bien plus humaine qu'une autre personne, ben, elle n'a pas besoin d'avoir peur. Pas parce que tu aimes ta femme qu'il faut que tu aies peur de la perdre. Alors, la personne, elle, l'apocalypse, c'est un savon. Il n'y a rien là. Elle arrive de ça. Puis son apocalypse, à elle, il n'a plus. Puis l'apocalypse des autres, ça ne la regarde pas pantoute. Complètement libre. Comme le vent. Est-ce que vous avez peur, vous, M. Kemp? Non, je n'ai pas peur. J'ai eu peur, mais je n'ai pas peur. Pas peur de rien. En peur de toi, oui. J'ai peur de ma femme. Non. Est-ce que vous avez surmonté ça en suivant les... Ben oui. Les trois camps? J'ai déjà eu peur, sauf que justement, en intellectualisant la peur, comme j'expliquais hier, quand j'étais au Guatemala, à un moment donné, on a campé dans la jungle, puis dans le Pétain, la forêt vierge, j'ai plus dans son monde. Et puis, on dormait, puis vers 4 heures du matin, ben là, il y a un animal qui est venu gueuler assez près de notre tente. Et puis, ça l'a gueulé assez fort, ben pour le moment, ça nous a réveillés.